Amen. Amen. A lot of us we do not know what salvation is. Viele von uns wissen nicht, was Errettung ist. Beaucoup de nous ne savent pas ce qu'est réellement le salut. We have to know. Aber wir sollten es wissen. Mais on doit le savoir. Amen. Amen. Amen. No religion have taught us the wrong things concerning salvation. Religion hat uns falsche Dinge beigebracht über die Errettung. La religion nous a appris pas le vrai salut. They always quote forgiveness of sin. Sie zitieren immer wieder die Vergebung der Sünden. Ils citent seulement le pardon des péchés. Matthieu 1. They quote it so much. Praise the Lord. Alléluia. This verse 21, Matthew 1, 21. Matthäus 1, 21. He said, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Amen. Amen. Amen. Matthieu 1, 21. La loi irait. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Praise the Lord. Alléluia. It is not about forgiveness of sin. Aber es geht nicht um die Vergebung der Sünden, das ist nicht Errettung. Mais le salut n'est pas le pardon des péchés. Amen. Amen. It is true he came to forgive us our sin. Es stimmt, er ist gekommen, uns die Sünden zu vergeben. C'est vrai qu'il est venu pour nous pardonner nos péchés. Yeah, that's not all. Aber das war nicht alles. Mais ce n'est pas tout. It's like if you want to become a professor, you are in kindergarten. Is that all? Es ist so wie als ob du ein Professor irgendwann sein möchtest und du dann erstmal in den Kindergarten gehen musst als Kind, aber da hört die Ausbildung nicht auf. Es geht weiter. Amen. Comme si par exemple tu veux devenir un enseignant, tu vas pas t'arrêter en primaire. If you look at churches today, it is stuck. You know what is stuck? Standstill. Wenn du Gemeinden anschaust, siehst du Menschen, die im Stillstand sind. C'est pour ça que tu vois que les églises religieuses no aujourd'hui stagnent. No growth. Kein Wachstum. Il y a plus de croissance. Amen. Amen. Salvation is not also about you are sick and now you are healed. Bei der Rettung geht es auch nicht darum, dass du Doktor krank warst. Und jetzt gesund bist, weil der Arzt kann dir auch Gesundheit schenken. Dans le salut, il ne s'agit pas non plus de la guérison, parce que un médecin, par exemple, peut aussi te guérir. Are you getting it? That's not salvation. Amen. Amen. Or whatever problem you are facing is solved. That is not salvation. Oder dass deine Probleme sich gelöst haben, das ist auch nicht Rettung. Ou alors que que tes problèmes sont résolus, ce n'est pas non plus ton salut. That you have been praying to have children, you now have one. That's not salvation. Oder dass du kinderlos warst und auf einmal ein Kind gebären kannst, das ist auch nicht Errettung. Ou alors que tu souhaitais pendant beaucoup de temps un enfant et que maintenant tu as un enfant, ça veut dire que tu as ton salut. That you are feeding the poor. You know, people that they believe when they are feeding the poor, that is how they have their salvation. Oder Leute denken, wenn sie wohltätige Zwecke tun, sind sie errettet. Aber das ist bösartig, weil es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Werke. Ou alors les gens qui font des dons aux orphelins ou les gens qui sont presque affamés, ça non plus, ça veut dire pas que t'es sauvé. You know, adopted children being there for people is not salvation. Kinder adoptieren für Leute da sein, das ist nicht der Rettung. Adopter des enfants ou alors aider ton prochain, ça veut dire pas que tu es sauvé, pardon. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the disciples, you know, when Jesus sent the 70s and they returned, they were rejoicing. Als Jesus die 70 losgeschickt hat, dass sie in seinem Namen heilen und Wunder tun, sind sie zurückgekommen und haben sich gefreut. Quand les 70 sont revenus de leur mission, que Jésus les a, où Jésus les avait envoyés, ils étaient contents à leur comeback, à leur retour, pardon. It's like you are rejoicing because you are here. Es ist so, wie wenn du dich freust, dass oh, du, oder dass du jetzt einen Ehemann hast, oder dass du jetzt ein Kind hast. Get it. Leur joie était comparable à une femme qui a eu un enfant, ou alors toi qui as ta guérison. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Luc 10, de 16 à 20. Please understand here very well. Amen. Ce passage est très important, donc soyez attentifs. 10, 16 to 20. He said, he that heareth you, heareth me. Oh, Daddy. If you look at this verse 16, it's powerful. Wenn ihr euch Vers 16 anschaut, ist das kraftvoll. Cette verset 16 est très, très puissant. He's telling you that will fight you, fight me. Parce que Jésus nous dit que la personne qui te combat, combat lui-même. He's telling you that whatever problem comes to you, come to him. Das heißt, jedes Problem, was auf dich zukommt, kommt auf Jesus zu. Chaque problème, chaque obstacle qui t'affronte, affronte Jésus-Christ. He's telling you that once you are happy, he is happy also. Er sagt dir damit, dass wenn du Freude hast, ist er auch in Freude. Il te dit que si tu es heureux, lui aussi il est heureux. Are you getting it? Amen. He that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Are you get it? Amen. And that's why no wonder I said we should not fight. You know, it's a vengeance belong to me. Amen. Si quelqu'un, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. You know, if you really know your father and you understand him, you will pray for those that hate you. Wenn du deinen Vater wirklich kennst und verstehst, dann wirst du für die Leute beten, die dich hassen. Si tu connais vraiment ton père et tu le comprends, tu vas prier pour les gens qui te détestent. If you know him and understand him, and if you really know him, you know you will pray for those that persecute you. Du wirst für die Leute beten, die dich verfolgen. Tu vas prier pour ceux qui te chassent, qui te persécutent. Because no one can fight Jesus. Denn niemand kann Jesus bekämpfen. Parce que personne ne peut combattre Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, in Africa, it's always about enemies. In Africa, geht's immer um irgendwelche Feinde. They don't have enemies. Hate them. En Afrique, il s'agit toujours de nos ennemis. Always about enemies. Amen. Es geht in Nigeria sehr oft immer über Feinde. Amerika beispielsweise geht es immer um Hater und keine Ahnung, mit Leute, die dir nichts gönnen oder so. Mm-hmm. Donc en Afrique, il s'agit toujours de nos ennemis ou les gens qui nous. Praise the Lord. Nicht gönnen. If you know your father, that you know he is a lamb and a lion. Wenn du deinen Vater kennst, er ist ein Lamm und er ist ein Löwe. Amen. Ouais. Donc tu dois connaître ton père, tu dois savoir que ton Amen. Père est un lion et en même temps un agneau. If you know how he values you. Wenn du wüsstest, wie sehr er dich wertschätzt. On doit connaître notre valeur à ses yeux. Can you forget about all the message I'm just remaining here? Amen. Amen. If you know how much, he said, if we have 100 and 99 are remaining and one is gone, he said he will look for that one. He will leave the 99. He's talking about you. Amen. Er sagt, dass er die 99 zurücklässt wegen dir. Quand il dit qu'il va laisser les 99 brebis pour une seule brebis, il parle de toi. That's why you know he said, "Oh, you are of little faith. Why can't you believe me?" Es ist gesagt, ihr Kleingläubigen. Can't you trust me? Wieso könnt ihr mir nicht glauben? Wieso könnt ihr mir nicht vertrauen? C'est pour ça qu'il se demande pourquoi on ne peut pas le croire, pourquoi on ne peut pas lui faire confiance. Amen. Amen. You know, let me talk about force a little bit. Ich will ein bisschen über Zwang sprechen. You know, this woman, the woman with issue of blood, she's used force. Die Frau mit den Blutungen, sie ist mit Zwang, ist sie dann gegangen. La femme qui saignait dans la Bible, elle est partie avec, elle s'est imposée là-bas. Force. Gewalt. Avec force et autorité. We even need more force today. Ihr braucht mehr Gewalt heute. Amen. Et nous, on a besoin de plus de force aujourd'hui. Not to still kill and destroy, but to fight the good fight of faith. Nicht um zu töten, to believe Jesus. Zerstören, sondern um Jesus Christus zu glauben. Pas pour tuer, détruire, mais plutôt pour combattre le bon combat de la foi. The message on force that he gave me, there are so many. I don't even know where to start, where to. There are so many. Die Predigt über Gewalt, über Radikalität, da ist so viel und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Amen. Dans le message que j'avais à propos de la puissance et d'être radical en Jésus-Christ, il y a beaucoup d'exemples et je sais même pas où commencer. We need force. Wir brauchen Gewalt. On a besoin de force. He said, "The kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force." Denn im Königreich wird Gewalt angetan, und die Gewalt reißt es an sich. Das heißt etwas. Parce que dans le royaume des cieux, on a besoin de force, de violence pour obtenir certaines choses. Hebrews 12 said, "You should the race, call it a race." In Hebräer 12 lesen wir, dass es ein Rennen ist. He said, "Lay aside all the weights." Wir sollen alles alle Gewichter hinter uns lassen, die uns verlangsamen auf diesem Rennen. Dans Hébreux 12, la Bible nous dit que la Bible compare à une course où on doit laisser tous les poids qui nous encombrent. Matthieu 18 said, if your hand will prevent you from going there, cut it off. Wenn deine Hand sich davon abhält, in sein Königreich zu gehen, sollst du diese Hand abhaken. Das ist mit Gewalt. La Bible nous dit que si ta main t'empêche d'accéder au royaume des cieux, il faut la couper. Et ça nous montre la violence qu'on doit avoir en Jésus-Christ. You know, Lot did not follow the wife. You know that. Lot ist nicht seiner Frau gefolgt. You know, Lot n'a pas suivi sa femme. Amen. Amen. When the wife turned to a pillar of fire. Oh, sorry. Everything fire. Praise the Lord. Praise the Lord. The pillar of salt. Amen. Als seine Frau zu einer Salzsäule erstarrt ist, weil sie sich umgedreht hat, obwohl sie sich alle nicht umdrehen sollten. Some of us today we turn. Lovey, lovey. Donc, il a pas suivi sa femme quand sa femme est devenue une statue de sable. Aujourd'hui, beaucoup de nous se tourneraient vers son épouse, sa femme. That hand might be your wife. That hand might be your husband. That hand might be. That hand is a cut off. You know, if you can say cut off your hand, that is, you know, who is closer to you, your hand or your husband? Und Lot hat sich zu seiner Frau zurückgedreht und hat gesagt, oh nein, ich liebe dich so sehr, ich will mit dir erstarren. Er hatte seinen Fokus auf das Ziel, auf das, was der Herr gesagt hat. Und der Herr hat gesagt, dreh dich nicht um, deswegen drehe ich mich nicht um, selbst wenn meine eigene Frau sich umdreht. Nicht so wie Adam, der auch von dem Apfel gegessen hat, von der Frucht gegessen hat, als seine Frau schon von der Frucht gegessen hat. Und das ist halt einfach diese Gewalt, dieser Zwang, der dahinter steckt, dass wenn er sogar sagt, dass wir unseren Arm entfernen sollen, wer steht dir näher als dein Arm? Deine Frau ist dir nicht näher als dein Arm. Dann kannst du alles andere auch entfernen. Si la Bible ou Jésus-Christ nous dit de couper notre main si elle nous empêche d'accéder au royaume des cieux, tu peux comparer ça à ta famille, ta femme, tes enfants ou quoi que ce soit, tout ce qui peut t'empêcher d'accéder au royaume des cieux, on doit le rejeter et garder notre concentration sur Jésus-Christ. Why? Because there is opposition. Weil es ein Feind gibt. Parce qu'on a un adversaire. That does not want to go to hell alone. Wenn ich allein in die Hölle gehen will. Qui ne veut pas partir tout seul en enfer. We love to see you there. Er will dich dort brennen sehen. Il aimerait nous voir là-bas aussi. Let us go for that. Amen. In verse 17, from verse 17 now, he said, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Are you getting something here? He says, the devils obey us through your name. They were rejoicing. Sie haben mich gefreut, it was their joy. Weil it was die Dämonen ihrer Stimme gehorcht haben, gewichen sind, als sie im Namen von Jesus Christus sie verbannt haben. Quand les 72 disciples revint, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. You know that Jesus was seeing that as a hardened heart, how they were rejoicing. Wisst ihr, dass Jesus das als verhärtetes Herz gesehen hat, die Art und Weise, wie sie sich über diese Sachen gefreut haben? Amen. Mais la façon, I think they were surprised. Mais la façon dont laquelle les disciples se sont réjouis, Jésus n'a pas apprécié ça parce que ça montre qu'ils étaient surpris que même les démons les ont obéi. Donc ça montre qu'ils avaient un cœur endurci. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. We are not natural people. Denn wir sind keine natürlichen Leute. On est, on, nous ne sommes pas des earlier we believed it'd be better des for êtres us. Naturels. We are not natural. Früher wir das erkennen, so besser für uns. Wir sind nicht natürlich. Et ça, on doit reconnaître ça le plus You are supernatural people. Wir sind übernatürliche Amen. Leute. Amen. Nous sommes des personnes surnaturelles. Amen. Because of the Christ in you. Amen. Wegen Christus. India. À cause du Christ en And you in Christ. Und du, der in Christus ist. Et nous qui sommes you are not natural. Du bist nicht natürlich. And your result should never be natural. Und dein Ergebnis soll nicht natürlich sein. I don't know if somebody is getting it. Nous sommes pas naturels. And don't be surprised of you know the supernatural things. Okay. Okay. Et nous sommes pas naturels, donc on doit pas se. Yes, it's Spanish house. Can you say it again? No. Wir sind keine natürlichen Leute. On ne sommes pas des personnes naturelles. Nous sommes surnaturels. You know, if you just go to your account now and find 1 million there, some of us we just we don't even know how will you react? Will you react differently? Amen. So we just even rebuke it. I rebuke you. 1 million. So we say, you know, you will be so shocked that your shock is unbelief. It's a hardened heart. Wenn wir beispielsweise auf unser Konto gehen würden und sehen würden, dass einfach 1 Million steht, jeder würde anders reagieren. Ein paar Leute würden sich die Klamotten zerreißen, andere würden tanzen. So we jump through the roof. Haben durch die Decke fliegen. Jeder hatte eine andere Reaktion darauf, auf dieses Übernatürliche. Donc, par exemple, si un jour on se lève, on va à la banque et on regarde qu'on rend compte qu'on a plus d'un million, on va tous réagir d'une manière différente. Un va se réjouir, un va même pas accepter cet argent parce que on va pas comprendre d'où ça vient. Praise the Lord. Alléluia. They return with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Can you see? For something, you know, for something supernatural to happen. And it's, you are, it's as if you are so shocked. The Lord, you know, he will not even find it funny. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und es hat sich so angehört, als ob sie wirklich schockiert waren darüber, dass das passiert ist. Dass sie verwundert waren, dass auf dem Namen von Jesus Christus alles knien muss. Donc, les disciples, ils étaient vraiment étonnés à leur retour et même surpris que les démons les ont obéis. Donc, ça prouve encore une fois d'un accord endurci parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus Christ en eux. The Lord will see it as you don't know him and you don't know you. Der Herr sieht diese Reaktion aber an als du kennst mich nicht und du kennst dich erst recht nicht. Donc pour Dieu, pour Jésus-Christ, ça va lui montrer que tu le connais pas et tu te connais pas non plus. Praise the Lord. Alléluia. You know when things happen, you just smile mukele. You just do like you just remember, you know, your mind is occupied by it. Father, you are so good. Amen. Amen. Wenn Dinge passieren, dann bist du einfach so gelassen, sozusagen so entspannt und tiefenentspannt dazu oder gelassen und freust dich einfach, weil du deinen Herrn kennst, du kennst deinen Gott. Du bist nicht verwundert. Donc, si des choses arrivent dans notre vie, on doit les prendre, enfin, pas vraiment sans commentaire, mais être relaxé si on a des problèmes ou quoi que ce soit, parce que on sait qu'on a déjà notre victoire en Jésus-Christ. Amen. We are used to opposite than to him. If you know, if you share somebody that have corona, you know, you believe you are going to have it. But if you search somebody that have Christ, you don't believe you are going to have Christ. Mm. Are you getting me? Yeah. That you are going to be healed, you don't even believe it. Aber wir sind so physisch gesinnt, dass wir eher an die Ansteckung von Gesundheit glauben und davor Angst haben, uns anzustecken und jemanden näher zu kommen, der beispielsweise Corona hat. Und aber dann wiederum auf der anderen Seite nicht glauben, dass wir Heilung empfangen, wenn wir jemanden umarmen oder in einer Nähe sind von jemandem, der das Leben in sich trägt, nämlich Jesus Christus. Amen. On est trop focalisé sur nos cinq sens. Parce, par exemple, si il y a une personne à côté de moi qui a le corona, par exemple, on aura même peur de lui serrer la main au lieu de croire que, comme on a Jésus-Christ en nous, si on embrasse cette personne-là, elle sera guérie au nom du Jésus-Christ. You know, as a child of God, for somebody to embrace you, that person should be dancing samba. Als Kind Gottes, dass sich jemand umarmt, da sollte die Person tanzen, in Freude sein. Si un païen, par exemple, embrasse un enfant de Dieu, cette personne devait se réjouir. Because you know who embrace you, embrace Christ. Amen. Are you getting it? Parce que la personne qui embrasse un enfant we'll de never Dieu believe en, it. Embrasse Jésus Christ lui-même. Aber like wir glauben das nicht, weil wir uns als normal sehen. Mais on le croit jamais parce qu'on ne croit pas qu'on est surnaturel. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh daddy. You know, if you are even looking for work, tell them, if you allow me to work here, here will be transformed. Just tell them that. Here will be transformed. Because I am not coming without Christ. Amen. I am Christ coming Amen. Here. Amen. You have to be able, Enoch believed he pleased God and he did not keep it to himself. He was saying it to everybody. Und genauso auch wenn du zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch bist oder mit deinem Chef redest, dass du ihm auch sagst, ey, dieser Laden wird sich ändern, weil ich hier arbeite, weil Jesus Christus hier reingekommen ist, weil das ganze Königreich jetzt hier Wohnung hat, weil ihr mich eingestellt habt. Na, und mit so einer Attitude müssen wir da rangehen, weil selbst Enoch, er wusste, dass er Gott gefällt und er hat es immer wieder gesagt. Er hat sich nicht dafür geschämt, er war stolz darauf, dass er Gott gefällt. On doit être fier de Jésus-Christ en nous. Par exemple, si on a un interview pour un emploi de travail, on doit y aller et on peut même dire à notre chef que cet endroit ici va changer parce que je ne viens pas tout seul, je viens avec Jésus-Christ en moi. Amen. Tout comme Enoch, par exemple, n'avait pas honte de Jésus-Christ. Au contraire, il disait à tout le monde qu'il plaît à Jésus-Christ. Hébreux 11, 5. He said, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Are you getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Let us go back to Luke 10 because of time. Luke 10. And in verse 18, verset 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You know, he was there when Satan was cast out of heaven. Er war anwesend, als der Teufel vom Himmel verbannt wurde, als Lucifer vom Himmel verbannt wurde. Jésus était présent quand Lucifer a été chassé du ciel, du royaume des cieux. He's too small for me to fight, but I was there when he was cast out. Er ist zu klein für mich, damit ich mit ihm irgendwie rumschlage. Aber ich war da, als er gefallen ist. Jésus était présent quand Satan a été chassé du ciel, mais il n'a pas eu besoin de le combattre parce que ce n'est pas un adversaire pour Jésus. Our fight is not to fight Satan, it's to fight to believe Christ. Amen. Satan is a loser. Wir bekämpfen nicht den Teufel, sondern wir kämpfen darum, an das zu glauben, was Jesus Christus über uns sagt, nämlich, dass wir schon über dem Teufel stehen, dass er unter unseren Füßen ist. C'est pour ça qu'on combat pas Satan, mais on combat le bon combat de la foi. Some of us, our fight is fighting against Satan. Satan rebuke you. Satan destroy you. You know, always say, you know. Satan is afraid of you. Einige von uns haben immer auf der Jagd nach dem Teufel und verbannen ihn die ganze Zeit. Is afraid of you. Zu wissen, dass er eigentlich vor uns Angst hat, weil wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, dann würden wir verstehen, weshalb er Angst hat vor uns. Beaucoup de nous combattent le diable ou le démon, mais or que ça doit être même pas le contraire. Le diable doit avoir peur de nous parce que à cause de Jésus-Christ en nous. You know, your environment is afraid to even come there. You know, when Jesus, any time Satan, those people with demons, they see Jesus, they say, have you come to destroy us? That same Christ, you know, that is who you are right Amen. Now. Amen. You are not different from Amen. The Christ that was here. Amen. Thousands of years ago. Amen. To come and save us. You are not different. Amen. He said, my life is the life we now live. There's no different. We are not different from him. Amen. It's not pastors, it's not preacher. It's God's children, believers in Christ. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus Christus mit Dämonen umgegangen ist, als er immer in die Nähe von ihm gekommen ist, haben die Dämonen immer geschrien, die kamen gar nicht mehr auf ihr Leben klar, weil sie erkannt haben, dass das der Sohn Gottes ist, der halt über aller Gewalt steht. Und genau so sollen wir halt auch diesen Dämonen gegenübertreten, dass wir wissen, wer wir sind und wissen, dass wir genauso wie sie vor Jesus Christus gewichen sind, weichen sie auch vor uns. Si on regarde dans la Bible, par exemple, à chaque fois que Jésus-Christ a croisé un démon, par exemple, les démons avaient vraiment peur et ils se demandaient si ils demandaient même à Jésus s'il est venu pour les détruire. Donc on doit savoir que Jésus-Christ vit en nous et il a dit qu'on doit vivre la vie qu'il menait. Donc ces démons, on doit aussi avoir peur de nous craindre comme ils avaient peur de Jésus-Christ. No, you know, we promote Satan a lot. Satan is doing this, Satan is doing that, Satan is doing this, Satan is that, he's attacking, Satan is doing this. Satan can attack Jesus. Can Satan attack Jesus? The problem is you don't know who you are. If you can remember who you are, it's over with him. Amen. Und wir geben Satan sehr viel Schuld und sehr viel Macht, indem wir ihm die ganze Zeit immer für diese Dinge schuldig machen oder ihm die ganze Zeit diese Position als unseren ebenwürdigen Feind geben. Aber anstatt einfach zu wissen, dass er unter unseren Füßen ist, weil was kann der Teufel gegen Jesus Christus machen? Et notre problème, c'est que on donne souvent la faute à nos problèmes à Satan. On dit que Satan veut nous attaquer ou chaque problème qu'on a, on les réfère à Satan. Mais le problème qu'on a vraiment, c'est que on ne reconnaît pas Jésus-Christ et qu'on ne sait pas qu'on est surnaturel parce que Satan ne peut jamais attaquer Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, there's a place that said that Jesus is so are you right now. You know that place? Yes, I know. The book of the first John, yeah. He said, as Jesus is, so are you right now. Amen. There's no difference. Yeah. Amen. You see that the Bible is a liar, or they are lying, or we let us hear it and not believe it, or we believe it. We have to choose one. Are you getting it? Was gibt eine Stelle, wo Jesus sogar sagt, dass so wie ich bin, so seid ihr auf dieser Welt. Und entweder glauben wir das oder wir verweigern das, aber wir können nicht damit spielen. Amen. Jésus-Christ nous dit même dans la Bible, comme lui il est, nous on le sommes maintenant. Donc soit la Bible où Jésus est un menteur ou nous on n'a pas assez de foi. And there's another place he said, he came to deliver us from this present evil world. That we have been delivered. Und es gibt auch eine Stelle, wo steht, dass Jesus Christus uns herausgerettet hat aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Dans un autre passage, il nous dit qu'il nous a sauvés de ce monde. Donc on doit vraiment le croire. You know, Satan is even surprised that we are fighting him. Der Teufel ist selbst überrascht, dass wir ihn bekämpfen. Le diable lui-même, de temps en temps, il est étonné qu'on essaie de le combattre. It's like a dead man that we are fighting a dead man. And that is dead, and the corpse is dead, it's dead, that is just, and you are fighting, and that dead man, if God just open his mouth, that dead man say, why are you still fighting me up all this dead? That is for Satan today is saying, Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. du dich sozusagen mit einer Leiche ganze Zeit schlägst und diese Leiche, irgendwann öffnet Gott dieser Leiche den Mund und die Leiche sagt, ey, wieso schlägst du mich die ganze Zeit? Ich bin doch schon besiegt, tot, was willst du denn noch? Und so ist es auch mit dem Teufel, dass er weiß, dass er schon besiegt ist und er sich darüber wundert, dass du dir immer noch die Zähne an ihm ausbeißen möchtest, obwohl er eigentlich schon besiegt ist. Aber er lacht natürlich darüber, weil er weiß, dass du deine Identität anscheinend nicht kennst und deswegen immer noch so handelst, wie du handelst. On peut comparer notre combat avec Satan à un combat avec un mort, par exemple. Ça sert à rien de combattre une personne qui est déjà morte. Satan, lui aussi, il sait qu'il a déjà été battu, donc il a déjà perdu son combat, comme il a été chassé du royaume des cieux. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire de combattre Satan. The Lord wants all those victories to come outside. Der Herr will, dass dieser ganze Sieg sich manifestiert. Amen. Amen. Do you already have them in your spirit? Go to 1 John. 3 John. Vers 2. 3 Johannes 2. Just one chapter. Amen. Amen. 3 John. He said, Beloved, I wish above all things. 3 John. Vers 2. 3 Johannes. 3 John. 2:1. 1:2. 1:2. Praise the Lord. Hallelujah. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. To prosper and be in health. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique et que tu l'es spirituellement. Sorry. To prosper is not coming from outside, but from inside. Wohlergehen kommt nicht von außen, sondern von innen. Prospérer ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. And to be in good health is not from outside, it's from inside. Genauso wie Gesundheit. Tout comme être en bonne santé. It's a message on his own. Amen. A merit heart does good more than a medicine. Have you ever heard it? It's in the Bible. The heart that is full of Christ is the merit heart. Ein fröhliches Herz ist it's not the heart that is just drinking alcohol and just dying every day. Un cœur heureux est plus essentiel que chaque médicament. Praise the Lord. Hallelujah. Please go back to Luke 10. Let us quickly go through there, then we go further. Lucas 10. Luke 10, encore une fois. Verse 19. It said, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. All these, they belong. You know, all this victory, you already have them. All diesen Sieg haben wir schon. You don't fight to have them. You fight to believe you have them. Amen. Amen. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc, on doit vraiment croire qu'on a déjà cette puissance, cette autorité. The problem with God's children is that they fight to have them. Wir kämpfen nicht darum, das zu bekommen, aber leider tun wir das als Kinder Gottes. Amen. Le problème, c'est qu'on combat pour obtenir ce pouvoir, or qu'on l'a déjà. We don't fight to have them, we fight to believe we already have them. Wir kämpfen There's darum, two things. There are two different things. Zu glauben, dass wir den Sieg schon haben. On n'a pas besoin de se combattre pour croire qu'on a déjà la victoire, parce qu'on l'a And that's why you never have it. Why? Because if you fight to believe to fight to have them, you will see yourself that you are not qualified. Until you are qualified, he will not give it to you. Luke 10. Are you getting it? I don't know if you understand what I'm saying. Das Problem ist auch, dass wenn wir glauben, dass wir das noch bekommen, dann werden wir denken, dass es immer noch in Gottes Hand ist und wir ihn irgendwie dazu bringen müssen. Uns das ihm zu dass er uns das gibt. Und wenn wir dann halt uns daneben verhalten oder irgendwas Schlechtes machen, dann denken wir, dass wir deswegen diese Sachen nicht haben. Wir denken, dass diese Sachen nicht kommen, weil es von unseren Werken abhängig ist. Aber wenn wir wissen würden, dass wir alles schon haben, aber dass das Problem unser Glauben ist, dann würden wir auch nicht mehr mit Selbstverurteilung zu kämpfen haben. On se préoccupe toujours avec les problèmes qu'on a au lieu de se concentrer sur Jésus-Christ. Le truc, c'est que en Jésus-Christ, il y a déjà toute notre victoire, mais tant qu'on n'est pas capable de comprendre ça, on va toujours se combattre, on va toujours avoir affaire avec le diable, ou croire que le problème est le combat qu'on a avec le diable, alors que le problème est qu'on n'est pas concentré sur Jésus-Christ. You know that for years I was all my prayer was I claim my victory, I claim my healing, I claim. The Lord said, if you already have them, why claiming them? Es gab eine Zeit, habe ich immer wieder gesagt, them? Why do you claim them when you already have them? It's because you don't believe you have them, and that is why, as a man thinketh, so he is. Mm. If you think you don't have them, you will never have them. Yeah. Genauso auch, es gab eine Zeit, wo ich immer wieder meinen Sieg gefordert habe und immer wieder gefordert, verlangt, genau, und der Herr hat mich dann gefragt, wieso forderst du immer wieder deinen Sieg, wenn du den Sieg doch schon hast? Il fut un temps où je priais à Dieu de où j'exigeais ma victoire, ma santé et un jour, le Saint-Esprit m'a demandé, mais pourquoi tu le demandes si tu l'as déjà obtenu? Parce que si tu ne crois pas que tu l'as, tu ne vas jamais l'avoir. As a man thinketh in his heart, so he is. Denn so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Parce que comme un homme raisonne dans son cœur, c'est la façon the prayer you pray, you believe in your heart is I claim it, and you don't have because you don't have it. You believe you don't have it, and you wonder why you don't have it. Wir fordern immer wieder und sind dann verwundert, weshalb wir es nicht haben, weil wir haben es eben nicht, weil wir ja fordern, weil wenn wir es haben würden, würden wir ja nicht fordern. Donc si on exige quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas la chose qu'on exige. Et comme on sera concentré seulement sur ce point-là d'exiger quelque chose, on ne va jamais l'obtenir. We live in hope and not in faith. Und leider leben wir dann dadurch in dieser Hoffnung, anstatt im Glauben zu leben. Immer wieder hoffen wir auf Dinge, anstatt daran zu glauben, dass die Dinge schon getan sind. Amen. Et c'est pour ça qu'on vit dans l'espoir et pas dans la foi. Our life is a life of faith. Unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Amen. Notre vie est une vie de foi. Amen. Amen. It is a life of faith. You live there. The just shall live by faith. Denn die Gerechten sollen durch den Glauben leben. I don't get in it. The life, your life, what they see and what you see should never be the same. Das, was Ungläubige sehen und was wir sehen, sollte niemals gleich sein. Ce que les païens voient et les enfants de Dieu voient ne peut jamais être la même chose. All the time we see what they see. Aber oft sehen wir so wie die Ungläubigen. Mais souvent on se laisse on se laisse diriger par nos cinq sens comme les païens. Amen. Amen. When they see and when you see are two different times. Wenn sie sehen und wenn du siehst, ist es nicht die gleiche Zeit, es ist der gleiche Zeitpunkt. Un enfant de Dieu ne voit pas au même moment qu'un païen. Once you pray, you see. Wenn wir beten, sehen wir. Parce que quand on prie, nous on voit. If you see it or not with your korokoro eye, with your natural eye. Mais si tu le vois ou pas avec tes yeux naturels. Amen. Siehst du nicht mit deinem glubsch Auge. You know that man could not see anything with his eyes. Dieser Mann konnte nichts mit seinen Augen sehen. Il y avait un homme qui ne pouvait pas voir avec ses yeux. Elijah und sein Knecht. Sein Knecht konnte die Leute nicht sehen, die hinter ihm waren. Dans l'histoire d'Élisée, son servant. Amen. Amen. You know, somebody that was able to see, he was not in panic. That's Elijah. Aber Elijah, weil er sehen konnte, hatte keine Panik gehabt. Mais Élisée n'avait pas de panique quand il ne pouvait pas voir. Are you getting it? We live there. We live. That is our life. But you know, coming to Christ, you have to learn to live in Christ's world. That's your life. Aber wenn wir zu Christus kommen, müssen wir lernen, like wie Elijah, wir leben in der Welt. Tu fais lucidito. Quand on vient vers Jésus-Christ, on doit apprendre à vivre avec lui, à vivre en lui. Naturally, we have the same eyes. Weil natürlich gesehen hatten die beiden die gleichen Augen. Parce que physiquement, les deux avaient les mêmes yeux. Elijah's eyes was as big as this Bible, and so also the servant's eye. They were both the same. Amen. Elijah's Augen waren wahrscheinlich so groß wie diese Bibel hier und die von seinem Geschlecht auch. Donc les yeux de il y avait aucune différence entre les yeux de du servant et les yeux d'Élisée. We see with the eyes of faith and not with the eyes of faith. Mais nous, we believe it. Mais nous on voit avec les yeux de la foi et pas avec nos yeux naturels. Amen. Et on doit y croire vraiment. Amen. Ah, Daddy, I don't want to go there. That's of force. Let me be there. Amen. Amen. If you we'll postpone it. Amen. Amen. It's part of that message. Very interesting. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And let's go forward. Those of you that stay with us at home, I will preach it to you later. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 20, he said, notwithstanding, indeed, rejoice not, that the spirits are subject unto you. Lucas 10, verse 20. Your job. Luc 10, verset 20. There, please? Toutefois, ce que doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que l'esprit mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Amen. Do you see what he says should be your joy? Seht ihr, was er sagt, was seine Freude sein soll? Là, on peut voir ce que ce qui doit être notre joie. Merci. No, this joy, this what he said, it should be your joy. This the natural people, it will never be, it can never be their joy. Natürliche Menschen können diese Freude niemals haben. Un païen ne peut jamais accéder à cette joie. Parce qu'il ne peut jamais croire que son nom est inscrit dans le ciel. Il dit, don't you have power to do everything. Don't you are covered with me. Don't you know everything. Just what they call miracle should not be something difficult. Should not be your life. Should not even be what you fight to have. Those things they are to pursue you. Are you getting it? I don't know. Die natürlichen Menschen als Wunder sehen oder als krasse Errungenschaften sehen, sollten nicht die Dinge sein, die wir aussuchen nach Jobs oder Karriere oder all diese Sachen, sondern die Sachen sollten uns aufsuchen. Sie werden uns nachjagen, wenn wir unseren Fokus auf dem Königreich Amen. Haben. On doit avoir nos yeux fixés sur le royaume du ciel et tout ce que un païen, par exemple, appelle un miracle ou quoi que ce soit. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous étonne, parce qu'on vit dans le royaume du ciel, donc pour nous, le surnaturel n'est rien de pas quelque chose de spécial, parce qu'on doit, ça doit être naturel pour nous. You better learn how to see with your faith eyes. Lerne mit deinen Glaubensaugen zu sehen. C'est pour ça qu'on doit apprendre à voir avec nos yeux de foi. If not, you will see your age, you will see the time is going. You will see the bills. You will see. You are going to see what Elijah's servant saw. Are you getting it? You are seeing the problem, the Syrian army. C'est pour ça qu'on doit apprendre vraiment à voir avec nos yeux de la foi, parce que sinon on va voir le problème terrestre, donc nos factures à payer, notre âge, notre santé ou quoi que ce soit, or que on a déjà la victoire en Jésus-Christ. But Elijah with his faith eyes. Aber Elijah mit seinen Glaubensaugen. C'est pour ça qu'il disait avec ses yeux de la foi, a pu voir qu'il n'était pas seul. If you know your father, you will never be punished. You will not. You know, Elijah, you know, that the Bible says what they have, what we have now is greater than what Amen. They have. Upon all. Amen. Was wir jetzt haben, ist viel größer. Und dennoch sind wir so in Furcht. Ouais. On vit dans la peur, or que la Bible nous dit que ce qu'on a maintenant est beaucoup plus mieux que ce qu'ils avaient dans ton passé. He said, but rather rejoice that your names are written in heaven. Rejoice, our joy should be our salvation. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Eure Freude soll unsere Rettung sein. Donc on doit se réjouir que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Amen. And what is salvation? Salvation is to know the only true God and Jesus Christ. Und was ist Errettung? Errettung ist Beziehung mit Jesus Christus. To know. Ihn erkennen. Ihn kennen. Donc notre joie doit être notre salut. Et notre salut veut dire que c'est veut dire d'avoir une relation avec Jésus Christ, de connaître Jésus Christ. Amen. You know, the only problem that man was having was peace. There was no peace between God and man. That was the problem man was having. Das Problem der Menschheit ist und war, dass sie keinen Frieden hatten mit Gott. Le seul problème de l'humanité était de ne pas avoir une connexion avec Dieu. La paix. Praise the Lord. Avec Dieu. And that is why it was the joy of the angels. When Jesus was born, the joy of the angels. Look at it in Luke 2. Lucas 2. They were rejoicing because there's going to be peace between God and man. In Lukas, that was their joy. Not joy because they are going to be forgiven sin. Dass die Engel sich freuen, dass sie sich freuen, weil Frieden gekommen ist zwischen Menschen und Gott. Und nicht die Freude über das Sünden vergeben werden. C'est pour ça que les anges étaient contents à la naissance de Jésus. Parce qu'ils savaient que la naissance de Jésus allait réconcilier les humains et Dieu. Praise the Lord. Amen. In verse 2. Let's read from 10 to Luke 2, verset 10. De 10 à 14, pardon. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. To all people. All. All. Mm-hmm. All. Das ganze to all people. Not some. Amen. Amen. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Then in verse 13, it says, and suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, look at their joy. Schaut euch eure Freude an. Verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. I don't know if you get something there. Mm-hmm. Peace between God and man. Jesus did not come for peace between man and man. Mais les anges leur disent, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couche dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantait des louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Praise the Lord. Alléluia. Again, Jesus did not come for peace between man and man. Jesus kam nicht für Frieden. That's what religion teaches. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour la paix entre les hommes. He came for the peace between God and man. But that was the only problem man was having. Donc, il est venu pour la paix entre Dieu et les êtres humains. Amen. Amen. In fact, Jesus said, he said, I brought sword and not peace. Jesus sagt, ich habe ein Schwert gebracht und nicht mal Frieden. It says sword and not peace. Jésus lui-même dit qu'il est venu avec une épée et pas avec... Frieden und kein Schwert. Ein Schwert und kein Frieden. Qu'il est venu avec une épée et pas avec la paix. Amen. Amen. He said, mother-in-law against daughter-in-law, father, you know, mother against son, the son, you know, he said, It says it is sword and not peace. Mm-hmm. But religion may turn it. Turn it. Aber Religion hat das umgedreht, auf den Kopf gestellt. La religion a essayé de changer tout cela, de nous dire que la paix que Jésus nous a amené être entre les êtres humains, enfin entre les familles ou quoi que ce soit, mais or que Jésus lui-même dit qu'il est venu pour diviser le père de son enfant, la mère de sa fille, ainsi de suite. Praise the Lord. Hallelujah. Because you know the problem has never been between man and man. It has been between God and man. Das Problem war nie zwischen. From Genesis, you don't want to read it. Das Problem war nicht zwischen Mensch und Mensch, das Problem ist zwischen Gott und Mensch. Donc le problème a jamais été entre les êtres humains, mais entre l'homme et l'être, entre l'être humain et Dieu, pardon. And Jesus came to solve it. Und Jesus kam, Jesus. Are you getting it? Amen. Et Dieu est venu pour régler ce problème-ci. C'est pourquoi we hate this church so much. Satan déteste cette église. Praise the Lord. Alléluia. Salvation is to know the only true God. Errettung bedeutet einzig wahrhaftigen Gott. We go to quickly go to true places. John 3. Go to John 3. Le salut est de connaître le vrai Dieu. John 3. Jean 3. Praise the Lord. Alléluia. Don't fight to be healed. Fight to believe you are already healed. Amen. You are already in Christ. Except if you are not saved. Amen. Amen. Don't fight to be healed. Fight to believe you are already healed. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas se combattre pour avoir une guérison. On ne doit pas se combattre pour avoir notre guérison. On doit croire. On doit combattre pour croire qu'on a déjà nos guérisons. Amen. Praise the Lord. Alléluia. In John 3, verse 6. Let's see 15 and 16. He said that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Eternal life. For God so loved and commissioned the world that he gave his only begotten Son. That whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Eternal life and everlasting life. Jean 3, 15 et 16. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And John 17, verse 3, help us to know what eternal life means. In Johannes 17, vers 3, lesen wir, was ewiges Leben bedeutet. Dans Jean 17, 3, là, Jésus nous explique ce qu'il veut dire la vie éternelle. Look at it. Are we there, Jean 3, 17. He said, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. To know. That is salvation, to know. Amen. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Amen. Jésus-Christ. Amen. Unless so you don't just pray the prayer of salvation, then it's over. Jean 17, 3. Deswegen betest du nicht einfach nur das Errettungsgebet und dann ist es vorbei mit dem Jesus kennenlernen, sondern es geht weiter. Das ist der Anfang der Reise. Donc là, on voit vraiment que le salut est un procès. Donc on peut l'obtenir, mais on ne doit pas s'arrêter là à ce stage. On doit continuer à avoir une relation avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. To know. Erkennen. On doit le connaître, on doit le reconnaître. You don't know my husband as I know my husband. Ihr kennt meinen Ehemann nicht so, wie ich meinen Ehemann kenne. Par exemple, vous connaissez pas mon mari comme moi je le connais. You don't know me as he also know me. Und ihr kennt mich nicht, wie er mich kennt. Tout comme vous me connaissez pas comme lui me connaît. I don't know you as your husband knows you. Ich kenne dich nicht so wie dein Ehemann. Tout comme je ne vous connais pas comme votre époux si vous êtes marié. If the Bible talk about no, it's not what man call no. Geht's nicht um das, was der Mensch kennt. Quand la Bible parle de connaître, c'est beaucoup plus profond. To know also means to cleave. Und zu erkennen bedeutet auch anhängen. To cleave. Anhängen. Donc connaître veut dire aussi être connaître et veut dire aussi être connecté. You know Deuteronomy 30 verse 19 and 20. It said to cleave. It said that you cleave. To your God, you claim that you are so that not if you are somebody that you nothing can separate you. In 5. Mose lesen wir, dass wir uns dem Herrn anhängen sollen. Wir unzertrennlich sind mit ihm. Amen. Dans Moïse 5, la Bible dit aussi qu'on doit être connecté, on doit être vraiment attaché à notre Dieu et être inséparable avec lui. 5. Mose 30. Praise the Lord. Hallelujah. Deutéronome. Deutéronome 30 from verse 19. 30 verset 19. It says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and your seed may live. That thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. Do you see there? Mm. Cleave. Anhängen. That is to know him, to be one with him. Donc on est vraiment attaché à lui. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous. Et vos descendants. He said, for he is your life. Then er ist dein Leben. You know, parce que il est notre vie. So, now, what can separate you from your life? Was kann ich von deinem Leben trennen? Qu'est-ce que peut te séparer de ta vie? Yes, I wonder. Amen. What can separate you from your life? Your life. Your life is who you are. Kann ich von deinem Leben trennen? In deinem Leben, das bist du doch. Qu'est-ce qui peut te ist dein Leben. Qu'est-ce qui peut te séparer de ta vie? And parce que long. Tu es ta vie. And he said, the length of your days. Und ist dein langes Leben. Are you getting it? Mm. Oh, yeah. You know, we do exercise. We want to jog. We want to do everything. Wir machen Sport, ernähren uns gut und machen all diese Sachen, um unseren Körper zu pflegen. Oh, yeah. You know, we look for a healthy food to eat. Oh, sorry. Okay. Wir pflegen unseren Körper, versuchen Sport zu machen und uns gesund zu ernähren, um ein langes Leben zu haben. On prend soin de nos corps, on fait du sport, on fait attention à notre alimentation pour avoir une longue vie. Or que Jésus-Christ est notre vie. Amen. You get something. You know, to live long. He said, and the length of your days. He is your life and the length of your days. Er ist dein Leben und die Verlängerung deiner Tage. Amen. Donc, Christ est notre vie et la prolongation de notre vie. Amen. Deswegen gibt es keine Vorstellung. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur de la mort. You know, the news of death everywhere, the news of all them, you know, should not, you know, my body is paining me, my brother. If Christ is your life, he is the length of your length of days. Amen. Wenn Christus dein Leben ist, dann ist auch die Verlängerung deiner Tage. Amen. Si Jésus-Christ est vraiment ta vie, il est aussi la prolongation de ta vie. Amen. No wonder he told me some time ago, he said there's nothing that can kill his children. He said nothing. C'est pour ça que Jésus-Christ m'a dit que rien ne peut tuer ses enfants. He said, what killed them? Nothing that killed them that can kill his children. Nothing. Nichts was nichts kann seine Kinder töten. Also was das what was killed them? Die Ungläubigen tötet, kann seine Kinder nicht töten. Ceux qui tuent les païens ne peuvent jamais tuer ses enfants. He said, if even you have the same problem with them, if you have the same cancer with them, it will kill them, but not you. Auch wenn du das gleiche Problem hast, die gleiche Krankheit, den gleichen Krebs, Sie wird es töten, dich nicht. Ouais, donc on peut avoir les mêmes maladies, on peut avoir par exemple le même cancer, mais pour nous ça ne veut pas veut dire la mort. He said there is only one thing that can just take his children. Seine Kinder töten. Une seule chose peut tuer ses enfants. If they reject me. If they forsake me. Wenn sie mich verweigern. Si on rejette Jésus-Christ. It's like, you know, if the rain is falling outside and here is covered and I'm telling you stay here and you don't refuse, you go out and the rain is falling. That's Christ. He said, you know, John 15. He said, abide in me and my word abide in you. Without me, you can do nothing. Even though you say, that is the only something that is his children's problem, that they get out of him. It's all other. You know, there is the report of the doctor, the report of the lawyer, the report of this, the report of... He said, those things, they are irrelevant to his children. And we believe those things so much. Sind irrelevant für seine Kinder. Wir glauben, wir schenken diesen Dingen so viel Glauben. Donc, par exemple, si il pleut dehors et Jésus-Christ nous dit de rester à l'intérieur et on le fait quand même, c'est normal que là, on va trouver la mort parce qu'on n'est plus sous sa protection. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est d'être focalisé sur Jésus-Christ, être concentré sur lui et là, on n'aura plus de problème. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not talking about church goers. Ich spreche nicht über Kirchengänger. Ich parle des gens qui partent à l'église. I'm not talking about religious people. Ich spreche nicht über religiöse Menschen. Je parle pas non plus des gens religieux. I'm talking about Christ's family. Ich spreche über die Familie von Christus. Amen. Mais je parle de la famille de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Are you getting something? And that's why, you know, when you are with the doctor and the doctor says you are going to die, just jump up and kiss him. Wenn du beim Arzt bist, dann sagen du wird sterben, küss ihn einfach. C'est pour ça que si tu es à l'hôpital et le docteur te dit que tu vas mourir, because you know why? Because you know your father. Amen. You know his promises. Amen. Parce que tu connais ton père, tu connais ses promesses. You know how faithful he is. Amen. You know how much he loves you. Amen. Qu'il est. Amen. Amen. Troy. Fidèle. Tu sais qu'il est fidèle. Praise the Lord. Alleluia. If the doctors, you know, just to tell you that then it will just, it's over. I can't do nothing. Then you still say, thank you, my doctor. Amen. You just say thank you. Remercie ton médecin. You can't see flesh and blood. You cannot see the spirit. Encore plus, réjouis-toi en Jésus-Christ parce qu'il est un Dieu fidèle et il tient toujours ses promesses. Who you are is the spirit. Weil du nur mein Fleisch sehen kannst, aber du kannst nicht meinen Geist sehen, weil ich bin mein Geist, nicht mein Fleisch. Amen. Ouais, parce qu'on est esprit et ton médecin, il ne peut pas voir ton esprit, il va seulement voir ta chair. All these are knowledge, amen. Das sind Dinge, die wir wissen müssen. Et tout ça, ce sont des choses qu'on doit vraiment savoir. Christ walked through knowledge. Satan also walked through knowledge. Christus arbeitet durch Erkenntnis. Der Teufel arbeitet auch durch Erkenntnis. Parce que le Christ travaille à travers la connaissance, tout comme le diable le fait aussi. He said nothing. He said the hair on your he can't, they are numbered, you know. Yeah. Somebody. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, have what's that? Praise the Lord. Hallelujah. If they are dead. Nobody does not have. They are dead. If they open their faith eyes, they will see it. You don't need to open. If you just look, you can see it. What's it? It's always there. It's always there. No, it's only say it's random. What you cannot remove is the root. Uh-huh. The root. You cannot remove the root, but the air is always there. Praise the Lord. Amen. Amen. He values you so much. Amen. Amen. Dieu nous valorise beaucoup. You know that fear kill people more than don't even the problem. Wisst ihr, dass Angst Menschen vor der Krankheit selbst oder tötet? Souvent, c'est la peur de la maladie qui tue les gens et pas la maladie elle-même. The fear of death. Die Angst vor dem Tod. It's what keep people more than the problem. Tötet Leute vor dem Problem. Donc la peur de la mort est beaucoup plus mortelle que le problème. But if you know Christ, if you know your Father, if you know Him. Wenn du Christus kennst. Mais si tu connais ton Père. Just like where we read. He said He is your life. He is the length of your days. Amen. If you can remember that, you will say that. Doctor, Amen. Doctor, you see me, Asha. Mm. You see me, Asha. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Donc tu dois vraiment savoir que Jésus-Christ est ta vie et la prolongation de ta vie. Donc n'importe quel rapport de médecin, tu vas te réjouir toujours en lui. Amen. To know Christ is to cleave. To cleave. Look at, let's go to Matthew 19. Matthew 19. Matthew 19. Amen. Amen. Matthew 19. Praise the Lord. Hallelujah. You can remember, it's your Father. You are covered. Amen. And there's no prayer bigger than that prayer. Amen. To be able to remember that Christ is your Father. Amen. Amen. Si tu te rappelles à chaque moment que Jésus-Christ est ton Père, Amen. Là tu es toujours sous sa protection. Il n'y a pas de prière plus puissante. He wants us to be like those children. Mm-hmm. Little children. Dass wir wie kleine Kinder sind. C'est pour ça qu'il veut qu'on ait comme des petits enfants. That only what threatens them is when their father is not there, their mother is not there. Das Einzige, was sie bedroht, ist die Abwesenheit ihrer Eltern. Amen. Parce que. But he said, I will never leave you, I will never forsake you. Aber er sagt, er wird für immer bei uns sein. So there was the problem. Parce que un enfant, la seule chose qui peut le menacer et l'absence de ses parents. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 19. Matthieu 19. Amen. Amen. Verse 5 and 6. Verset 5 et 6. Matthäus 19, 5 und 6. He said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Are you getting something here? Mm-hmm. He said they are no longer two, but husband and wife, some of us are more than five today. Division upon division. Aber viele Ehepaare sind heutzutage fünf Leute, obwohl sie zu zweit sind, weil einfach alles zersplittert ist. Donc, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas à ce Dieu. Non, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le problème, c'est que souvent, hommes et femmes sont souvent divisés, ils sont plus un en Jésus-Christ. He said they are no longer two, plus. But one. Ils sont nicht mehr zwei, aber eins. Ils sont plus deux, mais un. Imagine if husband and wife are like that today. Stell mir vor, wenn Ehepaare wirklich so wären. There would be no fighting. Da gäbe es keinen Kampf. Amen. Amen. Imaginez que hommes et femmes separation. Sont vraiment un aujourd'hui. Divorce everywhere. Il y aurait plus de divorce. Some people, you know, they are so used to marriage that, you know, if you want to even marry, you just call them. They are so used to it. They have married 5 times, 6 times, you know, they are, for them, they are living experience. Ein paar Leute, die sind so krass gewöhnt an Hochzeit, weil sie einfach schon 5, 6 Mal verheiratet waren, dass sie alle Leute, die sie für die Hochzeit brauchen, sozusagen auf der Kurzwahltaste haben. Für Leute für Blumen, für Kuchen, alles haben sie schon bereit, weil sie fast gefühlt jedes Jahr heiraten. Il y a des gens qui sont habitués au mariage, que pour organiser un mariage pour eux, c'est une affaire de quelques heures, parce que ils sont tellement habitués à célébrer cette fête. Or que c'est quelque chose de mauvais. So before the marriage, they're already planning for divorce. How they are going to divide it? Before the divorce. Imagine that. Planen schon ihre Scheidung, wie sie was passiert, wenn sie. Why going there? Aber wieso machen wir das Ganze dann? They're already planning. They're planning for the Scheidung. Souvent, avant même de s'être mariés, ils ont déjà planifié le cas de divorce. Because they never trust themselves, they never trust the other side. Mm-hmm. Weil sie sich selbst nicht vertrauen, auch der anderen Seite nicht vertrauen. Weil sie wissen, es ist eine Frage der Zeit, bis diese Liebe in Anführungszeichen verfliegt. Ils savent déjà que leur amour est pas éternel, c'est pour ça que et ils ont pas confiance en eux-mêmes et à leur époux ou femme. Because they see a man as their wife and they see a man as their husband. Your husband is Christ and Amen. Not your wife. Amen. Your husband, your wife is Christ and not that woman. Amen. The earlier you know that, the better for you. But das Problem ist, weil sie Menschen als ihre Ehefrau, Menschen als ihren Ehemann sehen, anstatt Christus das zu sehen. Umso früher du das weißt, umso besser für dich. Le problème c'est qu'ils arrivent pas à voir le Christ en leur époux et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. What will not do to Christ, will not do it to that man. Das, was we will not do it to that woman. Are you getting something? Frau nicht antun. Amen. Was du Christus nicht antun, wirst du den Mann nicht antun. Parce que si tu sépares pas ton mari ou ta femme de Jésus-Christ, ce que tu fais, donc parce que tu ferais pas du mal à Jésus, tout comme tu vas pas faire du mal à ton époux. You know Paul in 1 Corinthians 1. He said, when I was with you in trembling, in fear. Because I see Christ, I'm not man. With you, your neighbor is not man, is Christ. Amen. Dein Nächster ist nicht der Mensch, sondern Christus. Paulus hat gesagt, als er mit den anderen Geschwistern im Glauben war, war er bei ihnen mit Furcht und Zittern, weil er Christus in ihnen gesehen hat und nicht das Fleisch. Mm. C'est pour ça que on doit voir le Christ dans notre prochain et pas l'être humain. C'est comme Paul avait dit que il était quand il était avec des autres enfants de Dieu, il était parmi eux, mais il était rempli de peur et il tremblait parce que il voyait Christ en eux et pas les êtres humains. Verset 6. Il dit wherefore there are no more two but one flesh. What therefore God has joined together. Ainsi, ils ne sont plus deux, let ils sont un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Are you getting something here? In verse 5 again, look at verse 5, the cliff is in verse 5. That's true. And say, for this cause shall a man leave the father and mother and shall cleave. The same cliff is used in Deuteronomy, that you cleave with your God. You cleave with your God. The same cleave you use here for husband and wife. Und Jesus benutzt das gleiche Wort anhängen wieder. Dieses Anhängen, was wir halt bei 5. Mose hatten mit Gott, okay. Hier in der Ehe zwischen Mann und Frau. Donc le même attachement qu'on a vu dans Deutéronome, on le retrouve ici dans cette verset. Donc c'est le même attachement qu'on doit avoir avec notre époux. A relationship, intimate relationship, love, intimate relationship. Eine innige Beziehung, eine innige Liebesbeziehung. Go quickly, go to Genesis 4. C'est une relation d'amour intime. Look at what he called to know in Genesis 4. 1. Mose 4. Are you getting something? Yes. 4. Genesis 4. 1. Mose 4. To know. Erkennen. Anhängen. Genesis 4, verse 1. 1. Mose 4, Vers 1. Genèse 4, verset 1. Please wash your tongue, please, as you speak to one another. Achtet bitte auf eure Zunge, wenn ihr zu Leuten spricht. Amen. Donc on doit faire attention à nos paroles. We are learning, we are to learn it. Wir sollten das lernen. On doit apprendre. Amen. We have been used to evil speaking or say things that, you know, don't say what. Say what you know and don't say what you know. Don't say the old life. wir sind daran gewöhnt, böse Worte zu sprechen, Sachen zu sagen, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Aber wir sollen halt das verweigern und nicht das alte Leben immer wieder aussprechen. Und da faire attention à nos paroles. On doit jamais maudire d'autres personnes ou parler comme ou se rappeler du passé. If you are clean from to him, you will not speak like that. Parce que you are clean. Parce que si on est attaché à Jésus-Christ, on ne va pas parler comme italien. Wenn du ihn anhängst, wirst du nicht so sprechen wie diese Welt. Du wirst so sprechen wie er. Tu vas parler comme lui. Tu vas pas parler comme ce monde. You know, Peter and Paul. Peter and John. Peter, you know, the disciples. You know, when Peter, how he was not speaking. They were asked. They marveled and said, "Who is this?" Because they not cleave unto him, they were one with him. Weil sie eben ihn angehangen haben und diese Beziehung mit ihm hatten, haben sie so wie er gesprochen, sie haben so wie er gerochen sozusagen. Tout comme les disciples, par exemple, tout le monde était étonné du changement de Pierre parce que il était vraiment attaché à Jésus-Christ, donc il a récupéré la nature de Jésus-Christ. And Adam knew to know. Erkennen. To know. I don't get it. Adam. They knew one another. That's what Christ is talking about. Genèse 4. L'homme s'unit à Ève. Donc il était attaché à Ève. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und das ist ein intimes Kennen, wovon hier Jesus Christus spricht. And she conceived and bare Cain. And said, I have gotten a man from the Lord. Amen. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donne naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. And also verse 17. Verset 17. Verse 17. Vers 17. Of this chapter. 1. Amen. 4, 17. He said, and Cain knew his wife. Do you see that? Mm. Und Cain erkannte seine Frau. To know. Er erkannte seine Frau. Und Cain s'unit avec sa femme. Et elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Donne 17 maintenant. Donc toujours Genèse 4 maintenant, verset 17. How he wants you to know him. Il veut erkennen soll. No husband and wife. No darling Jesus. Amen. Amen. Amen. It's your husband, it's your wife. Jesus ist unser Schatz, dass wir ihn kennen, er ist dein Ehemann, dass wir ihn erkennen, Beziehung. Donc Jésus Christ est notre époux, et notre mari, notre femme. To know also means transformation. Erkennen bedeutet auch eine Verwandlung. Donc s'unir avec lui veut dire aussi un changement. Because once you know, there is going to be transformation. Wenn du erkennst, dann wird es eine Verwandlung geben. You are one with him. Parce que si tu t'attaches à lui, si tu es un avec lui, il y aura une transformation, tu vas te changer. It is all about love relationship with Jesus. Es geht um eine Liebesbeziehung mit Jesus. Amen. Il s'agit d'une relation d'amour avec Jésus-Christ. Remember in Mark 10, he told that man, you lack one thing. Hat er zu diesem Mann gesagt, eins fehlt dir. The good master. Amen. The man that came nearly down calling him good master. Il a dit à l'homme qu'il te manque une chose. He said, you lack one thing. Eines fehlt dir. Une chose te manque. Because the only thing that matters is he, Christ. You lack me. He did not say you lack money, you lack house. He said you lack me. Go and sell everything and follow me. Donc ce qui manquait à cette personne, c'était Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il lui a dit, va vendre tout ce que tu possèdes et rejoins-moi et suis-moi. Parce que ce qui est vraiment important, nécessaire dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ, c'est de l'avoir. Stop fighting for those things you are fighting for. Hört auf, für die Dinge zu kämpfen, für die Kämpfe. It's not about those things. Es geht nicht um diese Dinge. Donc, il s'agit de Jésus-Christ. On doit arrêter de se battre pour les choses matérielles. Deuxième chronique. 1. From verse 7. À partir de la verset 7. at it. And in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. If the Lord come to you right now, say, ask what I will give you. Hey, wenn der Herr dich fragen würde, hey, was möchtest du haben? Hey. Aber was einige von uns sagen würden, wäre dieses Haus, dieses Auto. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Qu'est-ce qu'on va demander nous aujourd'hui? Amen. Amen. Don't be like that. That, you know, that damsel that was dancing and asked the mother, what am I going to ask? Mm-hmm. Remember, that asked for the head of John the Baptist. Mm-hmm. A lot of us, we ask for evil things. Ja, viele von uns bitten um teuflische Sachen. Ja? Beaucoup de nous vont demander des choses diaboliques. Let it be what Christ will be proud of. Das was etwas ist, worauf Christus stolz ist. Amen. He was so proud of what Solomon asked for. Er war so stolz auf das, was Salomon gebetet hat. Are you getting it? Yeah. Amen. And Solomon said unto God, verse 8, the heart showed great mercy unto David, my father, and has made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let your promise unto David, my father, be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Verse 10. Give me now wisdom. He asked for Jesus. Er hat Jesus gebeten. Amen. Christ is wisdom. Amen. Christ ist unsere Weisheit. First Corinthians. Salomon a demandé Jésus. Help me to know Jesus. That should be your goal. Amen. Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière sur la terre. Our prayer today is so evil. What you ask for. Amen. It's all about us. Mais nos vœux aujourd'hui sont charnels, sont diaboliques. Remember your first name and your second name. Give me first name. The second name is more. Give me more. Erinnert euch an diesen Namen, dass dein erster Name, dein Vorname ist Gimme und dein Nachname ist More. Give me more. Donc on peut même nous donner un autre nom. Notre nom c'est de Turn your name to give me more. Plus. Donne-moi plus. Amen. Quand Salomon. Mais regardez ce que Salomon a demandé. What you have today is greater than what Solomon was having. Et on doit savoir que ce qu'on a aujourd'hui est plus précieux que ce que Salomon avait. The problem is our focus. Unser Problem ist unser Fokus. Mais notre problème est notre focus, notre perspective. He said, give me now wisdom and knowledge. That's Christ. Mm. That's Christ he's asking for. He asked for Christ. Donc il demande donc il a demandé la sagesse et la connaissance. Et ça c'est Jésus. Et c'est ça notre salut qu'on a aujourd'hui. Und das ist die Errettung, die du heute schon hast. Amen. I heard somebody saying you want to be like Solomon. I just said, hey, I pity you. Ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, er möchte sowieso. They were talking, said, I want to be like Solomon. I said, where's Solomon in the Bible? He said, yes, I want to be rich. I said, are you a child of God? He said, yes, and then I pity you. Because you don't know who you are. Amen. Amen. Amen. You are greater than Solomon. Amen. Ich war im Afro-Shop und habe gehört, wie ein paar Leute miteinander gesprochen haben und einer die ganze Zeit gesagt hat, ich möchte so wie Salomo sein, ich möchte wie Salomo sein. Und habe ich halt ihn angesagt, von welchem Salomo sprichst du? Von dem aus der Bibel? Und hat er gesagt, ja, der aus der Bibel, ich möchte auch reich sein. Habe ich gesagt, bist du ein Kind Gottes? Und meinte er, ja, ich bin ein Kind Gottes. Weil ja, dann tust du mir echt leid, weil anscheinend weißt du nicht, wer du bist, denn du bist größer als er. Il y a quelque temps, j'étais dans un magasin et j'ai entendu une conversation où l'une des personnes a dit qu'elle veut être comme Salomon de la Bible. Et j'ai demandé à cette personne si cette personne est un enfant de Dieu et la personne a dit oui. Et j'ai dit que tu me fais pitié parce qu'on doit savoir qu'on est plus grand que Salomon aujourd'hui. Et ce que lui référer à Salomon était sa richesse, donc quelque chose de charnel. Or que il doit comprendre que notre plus grande richesse est Jésus-Christ, donc notre salut. He said that I may go out and come in before these people. For who can judge this your people that is so great? Verse 11. And God said to Solomon, because this was in your heart. Because this was, look at what was in his heart. Regardez ce qu'il y avait dans son corps, dans son cœur, pardon. C'était avoir Jésus-Christ. That's all I want. That's tout ce qu'il voulait, c'était Jésus-Christ. Aide-moi à être un avec toi, uni avec toi. How those things will pursue you and overtake you. Et toutes les choses terrestres vont nous poursuivre si on est un avec Jésus-Christ. To solve them. Amen. Und so werden die Sachen sich lösen, nicht wenn du dafür betest, dass sie sich lösen. The old years, that is how they saw, but now. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était comme ça qu'on faisait les choses. Il fallait demander à Jésus-Christ, mais aujourd'hui, on a déjà tout. Amen. If God comes to you by at night and say, what do you want? What you see is what you see in your heart. That you are going to see. Was in deinem Herzen? Some people, that woman, I want to marry. I want to marry that man. I want... Yeah, yeah. Verse 11 again. And God said to Solomon, because this was in your heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor. I don't know what you are praying to have. Ich weiß nicht, wofür du betest, was du haben möchtest. Amen. You better allow Christ to be your focus. Lass lieber zu, dass Christus sein Fokus ist. I don't have anything I pray for to have. Ich habe nichts, wofür ich bete zu haben, denn ich bete, danke ihm einfach für alles, was ich habe. Je ne sais pas pourquoi vous priez. J'espère que vous priez seulement pour avoir Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Amen. You know, there are things that want to bother me. You just say, am I in charge or he is in charge? I say, you are in charge. Okay, sorry. Amen. I just, you understand me? You want to bother me. You say, am I the one in charge or you are in charge? I say, okay, sorry. Sorry. Are you getting it? Amen. Allow him to be in charge. Und manchmal, wenn ich mir Sorgen mache, dann fragt er mich einfach, bin ich unter Kontrolle oder du? Sage ich, sorry, gehe ich wieder ein paar Schritte zurück und verlasse mich weiterhin auf ihn. Donc on doit faire confiance à Jésus-Christ. De temps en temps même, quand je commence à me soucier, il me demande, est-ce que c'est moi qui est sous contrôle ou c'est toi? Et là, je me rappelle que c'est lui qui est le Seigneur de tout et je laisse contrôler la situation et je continue dans sa paix. Salvation is about a relationship with Christ. Errettung ist über eine Beziehung Jesus Christus zu erkennen. It's not to have a house, to have a car, to have this, to have, just count it. Count dans le salut, il s'agit d'avoir une relation avec Jésus-Christ et pas d'avoir une maison, une voiture ou être riche ou quoi que ce soit. He said, and thou hast not asked riches, wealth or honor, nor the life of your enemies. You know, there are some churches in Nigeria. For them, their prayer just kill enemy. Es gibt einige Gemeinden, die haben enemy must die. Da geht's immer darum, dass man aber die Feinde töten will. Your leader died. The other day, I say, hey, no, but enemy have died. Your leader. Aujourd'hui, il y a souvent des gens qui prient à Dieu pour qu'ils puissent éliminer ses ennemis, leurs ennemis ou quoi que ce soit. Or, c'est pas ça. You call people your enemy. Do you know how many people call you their enemy? Mm. Du nennst Leute deine Feinde. Weißt du, wie viele Leute dich als ihren Feind sehen? Mm. Toi, tu appelles les gens tes ennemis. Mais toi, est-ce que tu sais combien de personnes t'appellent leur ennemi? You pray for your enemies to be saved. Du betest für deine Feinde, dass sie errettet werden, nicht dass sie sterben. Amen. On a prié que nos ennemis reçoivent aussi le salut. To come to Jesus. Qui vient vers Jésus-Christ. You will not love to see them in hell. Denn du wirst es nicht gefallen, sie in der Hölle zu sehen. Parce que même si ce sont tes ennemis, ça ne va pas te plaire de les voir en enfer. Praise the Lord. Amen. He said, neither yet has asked long life. He did not even ask for long life. Some of us will ask for that. Salomon n'a pas demandé de richesse. You heard that they said I'm sick. Même pas une longue vie. You know, we tell you, God, as if God did not know. be telling God. You know, we always tell him what you already know. Exactly. You know that the doctor said, I'm sick, and I just, it's almost, everything is almost God. And you know, tell him as if he does not know. He knows everything more than you. Advice is besser als du. Amen. Amen. No need to repeat it. Du musst das nicht wiederholen. Don't come to God and repeat and tell him what he already knows. Du gehst nicht zu Gott und sagst nicht, was er weiß. You come to him and thank him. On rappelle Dieu à ceux qu'on n'a pas ou aux problèmes qui nous soucient, comme s'il ne le savait pas déjà. Il sait tout. Du kommst zu ihm und bedankst dich bei ihm, weil er alles schon getan hat. Donc on doit seulement venir vers lui et le remercier pour sa présence dans notre vie. He said, yet has asked long life, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Verse 12. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Are you getting something? Deuxième chronique, à partir de 10. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur et que tu n'as pas demandé ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance et de surcroît des richesses, des trésors et la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'aura aucun après toi. Amen. Amen. Salomon asked for Christ. He got all. Salomon a Christ et là on peut voir que Jésus-Christ, Salomon a demandé d'avoir Jésus-Christ et il a tout reçu. Amen. Er hat dir Christus gegeben und mit Christus hast du alles, deswegen sei nicht hinter Sachen her. Donc on n'a pas poursuivre les biens matériels, on doit poursuivre seulement Jésus-Christ et tous les biens matériels nous seront. He said the wealth is to pursue you and not you pursuing them. Denn der Reichtum soll dir. Healing is to pursue you and not you pursuing them. Nous serons ajoutés, merci. Der Reichtum soll dir hinterherjagen und nicht umgekehrt. Die Gesundheit soll dir hinterherjagen und nicht umgekehrt. Donc c'est la richesse, la santé doit nous poursuivre et pas l'inverse. Amen. Amen. To be radical is to know Christ. Radikal zu sein heißt Christus zu kennen. Être radical veut dire connaître Jésus-Christ. Your love relationship with him. Deine Liebesbeziehung mit ihm. Ta relation avec lui. You never know him and not be successful. Du kannst ihn nicht kennen, ohne erfolgreich zu sein. Tu peux pas connaître Jésus-Christ et pas être plein de succès. You don't come to him because so that you are successful, but you never come to him without being successful. Aber du kommst nicht zu ihm, damit du erfolgreich bist. These two things are different. Are you getting it? Yeah. Tu peux. Tu peux pas venir vers Jésus-Christ et ne pas avoir de succès. The cracking of the bread. Okay, you are finished. Okay. Praise the Lord. You never know him and not be successful. Du kennst ihn nicht, ohne erfolgreich zu sein. Tu ne veux pas le connaître sans avoir du succès. Example, 1 Chronicles 7:7-8. David from zero to hero. Wenn wir uns David anschauen, wie er von niemand zum Helden wird. Let's go there, because par exemple, David, lui qui était une personne, est devenu un héros. 1 Chronik, 1 Chronik 17, Vers 7 und 8. 1 Chronique 17 7 et 8. On ne va pas lire à cause du temps. It's 17, 7 and 8. He said, now therefore, thus say unto my servant David, thus said the Lord of hosts, I took thee from the sheep cold, even from the following the sheep, but thou shouldest be ruler over my people Israel, and I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all your enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth. Your motive is not to have them, but you never come to him and not have them. Dein Motiv ist nicht, das zu haben, aber du kommst nicht zu ihm, ohne es zu haben. Notre motif pour aller vers Jésus-Christ, c'est pas d'avoir les biens de cette terre, mais tu vas jamais être un avec Jésus-Christ sans avoir ses biens aussi. If your motive is to have them, you are going to reject him and pursue those things. Aber wenn dein Motiv ist, ihn diesen Erfolg zu haben, wirst du ihn zurücklassen und diesen Erfolg hinterherrennen. Mais si notre motivation est d'accéder à ces biens matériels, à ce succès terrestre, on va rejeter Jésus-Christ en même temps parce qu'on va seulement poursuivre ces choses-là. If you plant seed, there is going to be fruit. One of the fruit of the spirit is successful. Prosperity. Amen. It is a must. Nothing. What can stop it is when you backslide. Das, was es nur aufhalten kann, ist, wenn du Jesus verweigerst. That's all. Donc tous ceux qui peuvent vraiment stopper ton succès, stopper ta prospérité, ta santé, et de pas être en Jésus Christ. So also with Joseph. Amen. And also Joseph. Tout comme Joseph par exemple. Praise the Lord. Alleluia. From zero to hero. From niemand zum Held. Salvation is not about forgiveness of sin. Errettung ist über die Vergebung der Sünden. Le salut ne s'agit pas de du pardon des péchés. That's why the churches today are full of problems. You know, there's nothing in the church. Voll von Problemen. Because it's all about forgiveness of sin. Und Gemeinden sind sozusagen haben kein festes Fundament, weil es nur um die Vergebung der Sünden geht. C'est pour ça que beaucoup d'églises, enfin les églises religieuses stagnent parce que chez eux il s'agit seulement du pardon des péchés. Salvation is about knowing Christ. You never know him and not be healed. Errettung ist darüber, never know him and not be healed. It simply is not possible. Ohne gesund zu sein. Parce que le problème est que le salut veut dire vraiment une relation avec Jésus. Darkness and light can never work together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. Ouais, donc tu peux pas connaître Jésus-Christ sans avoir sans être en bonne santé, sans avoir la guérison. You know, churches today they see coming to Christ as forgiveness of sin. Gemeinden denken, dass Errettung ist einfach nur die Vergebung der Sünden. Donc encore une fois les églises, beaucoup d'églises croient que le salut veut dire le pardon des péchés. Before you became born again, your sins have been forgiven you. Before we were born, we respond to the sin they forgiven. Il faut savoir que tes péchés ont déjà été pardonnés avant d'obtenir ton salut. Jesus came to pay the price of the whole world. Jesus came and paid the price of the whole world. It's in advance. Parce que Jésus Christ a payé pour le prix pour toute l'humanité. It's not only your sin you pay for, the whole world. Er hat nicht nur für deine Sünden bezahlt, sondern für die Sünden. If they like it or not, if they believe him or not, he paid your sin. Il n'a pas seulement payé pour tes péchés, mais pour les péchés de toute l'humanité. Et ça, on avance. And that is why it is grace. Und er hat bezahlt, auch wenn du daran glaubst oder nicht, sind die Sünden dennoch bezahlt. Deswegen ist es Gnade. Et ça, c'est ça prouve, non, ça nous montre sa grâce parce que il a payé pour go nous. Titles too. Peu importe si tu crois en lui ou pas. Praise the Lord. Allez, Titles 2. Quickly go there, please. Titus 2. Tite 2. Verse praise the Lord. Amen. Verse 11. Tite 2, verset 11. It says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Titus 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. The grace of God is for all men, everybody. Die Gnade Gottes ist für alle Menschen. Donc la grâce de Dieu est pour chaque être humain. And that's why salvation is not about forgiveness of sin. Deswegen geht es bei der Errettung nicht um die Vergebung der Sünden. Et c'est pour ça que dans le salut, il ne s'agit pas de, du pardon des péchés. All our sins have been forgiven. All unsere Sünden wurden uns vergeben. The price has been paid. Der Preis wurde bezahlt. Le prix a été payé. Tous nos péchés ont été pardonnés. The sins you have not committed, you know, the sins you are going to commit next year have been paid for. Die Sünden, die du nächste Woche oder nächstes Jahr begehst, wurden schon bezahlt am Kreuz. Amen. Les péchés que tu vas commettre la semaine prochaine ou dans un an, tout ça a déjà été payé. Before you were born, your sins have been paid for. Bevor du geboren wurdest, wurden deine Sünden schon bezahlt. Tes péchés ont été payés avant ta naissance même. You know, don't serve that Lord, those that love Lord so much. They hate this place. Aber Leute, die das Gesetz lieben, hassen diese Stelle, aber wir sollten es lieben. Mais ceux qui sont sous la loi, qui vivent sous la loi, n'aiment pas ce passage ici, cette verset. In verse 12, it says, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, grace does not lead us to sin, but teach us to hate evil, worldly lusts. We should live soberly, righteously, godly in this present world. Die Gnade That's grace. Verleitet uns nicht zur Sünde, sondern sie zeigt uns, wie wir gottesfürchtig leben. Amen. Sie ist die Kraft Gottes dazu. La grâce. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Because if you are under grace, the Holy Spirit is working. Wenn du unter der Gnade bist, arbeitet der Heilige Geist. Amen. Under law, you are the one working. Under grace, the Holy Spirit is working. He helps you to hate what Christ hates and love what he loves. Weil der Heilige Geist wird dir helfen, das zu hassen, was Christ hasst, und das zu lieben, was du liebst. Okay. Donc dans la grâce de Dieu, si on est sous la grâce de Dieu, le Saint-Esprit pour nous aider à mener cette vie-là qui est décrite ici dans ce passage. Mais sans le Saint-Esprit, on est sous la loi. Et sous la loi, ce sont nous-mêmes qui essaient de faire le travail, or que le travail a déjà été accompli. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In Hebrew, for we are not going there. He said, the world, which is grace, did not profit them because they did not mix it with faith. We read it last week also. Hebrew 4. He said they did not mix the word, the message with faith. And that is why it did not profit them. Wir haben in Hebräer 4 gelesen, dass sie das Wort, was ihnen geprägt worden ist, sich mit dem Glauben verbunden hat, haben. Und deswegen hat es ihnen nichts genützt. Nous avons entendu la semaine passée dans Hébreux 4 que la parole de Dieu qu'ils ont entendue n'a pas été mélangée avec la foi. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu profiter de cela. Ephesians 2 says we are saved by grace through faith. It's not only grace, but faith. That's the problem with people. Durch die Gnade aus dem Glauben. Nicht nur Gnade rettet uns, sondern der Glaube an diese Gnade rettet uns. Donc ce n'est pas la grâce seulement qui nous sauve, c'est la grâce et la foi qui nous sauvent. Praise the Lord. Alleluia. Grace is already a finished work. Gnade ist schon ein vollbrachtes Werk. La grâce est déjà un accomplissement. Ouais. Amen. Est déjà accompli. The problem is faith. L'accomplissement du travail. Das Problem ist der der Glaube daran. Your faith. Ihr Glaube. What they allow to fight their faith. Was man zulässt, was dein Glauben angreift. In Matthew 13, verse 58, he said Jesus could do no mighty work because of their unbelief. Jesus konnte keine großen Werke tun wegen ihrem Unglauben. Dans Matthieu, il est écrit que Dieu n'a pas pu agir à cause de leur manque de foi. Praise the Lord. Matthieu 13, verset 58. He said, and he did not many mighty works there because of their unbelief. You know, healing was everywhere, but they were not healed because they did not miss it with faith. Die Heilung war überall, aber sie konnten nicht geheilt werden, weil sie es nicht mit dem Glauben verbunden haben. La guérison était partout, mais ils n'ont pas été guéris parce qu'ils n'ont pas mélangé avec la foi. Prosperity is everywhere, but they cannot have it because they did not miss it with faith. Genauso ist auch der Reichtum überall, aber sie können es nicht haben, weil sie sich mit dem Glauben vermischen. Tout comme la prospérité. Victory was everywhere, but they could not have it. Why? Because they refused to miss it with faith. Der Sieg war da, aber sie konnten es nicht empfangen, weil sie sich geweigert haben, es mit dem Glauben zu vermischen. Tout comme la victoire était partout, mais ils n'ont pas pu l'obtenir à cause parce qu'ils n'ont pas mélangé avec la foi. Because what they were seeing was fighting their faith. They were seeing carpenter. Weil they did not see God. Weil das, was sie gesehen haben, hat dafür gesorgt, dass sie nicht glauben konnten. Sie haben nicht Jesus in ihm gesehen, sondern sie haben ihn in einem Tischler gesehen. Ils n'ont pas pu obtenir leur victoire parce qu'ils ont vu l'extérieur, ils ont vu seulement un mensonge et pas le Fils de Dieu. Even the family, the natural family, they did not even believe on him. Selbst die natürliche Familie. If you go to Joseph, Amen. They did not believe on him. They made fun of him. They made jest of him. Go and show yourself. Go there. Go and show you. That's your work. You always go there and show people. Ils n'ont pas pris au sérieux. Daddy, imagine. Amen. You know. That's no wonder the Bible said his mercy endures forever. Somebody can just swallow you, swallow everything. Dass seine Gnade für immer währt, weil diese Leute haben sich so über ihn lustig gemacht und er hätte sie auf der Stelle hätte er einfach die Luft zum Atmen wegnehmen können und wären alle tot umgefallen. Heureusement que sa grâce est infinie parce que il est aussi puissant que il aurait pu même leur retirer le souffle de vie. Praise the Lord. Hallelujah. He said, his brethren believe not on him. Seine Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Because they can see how he's hungry like them. How he's so tired like them. How he sleeps, he's snoring. Müde ist wie even when he's sleeping, he's snoring. Dass er vielleicht sogar auch. They said, this one, look at Mr. God. Don't I just look at you, I just shake their head. Who are those believing this man? You understand me? Dass sie sich ja lustig machen und denken, der ist sogar am Schnarchen nachts. Und Leute sagen, das ist Gott. Was sind denn das denn für Verrückte, die daran glauben, dass dieser Schnarcher Gott sein kann? Probablement, même ses frères ont fait, sont moqués de lui. Oh, ils avaient difficile à croire que quelqu'un qui mange comme eux, va aux toilettes comme eux, même peut-être ronfle, soit vraiment Dieu. Und das sagen sie auch über uns heute, dass sie auch nicht glauben können, wer wir sind, wegen dem, was wir aussehen und was wir tun. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à reconnaître le Christ en nous. The danger of five senses. Die Gefahr der fünf Sinne. Et c'est ça le danger des cinq sens. Amen. Amen. You train them to submit to Christ. Du trainierst sie, dass sie sich Christus ergeben. Donc on va s'entraîner à nous soumettre à Dieu. Senses oder wie? Sinne. Donc on doit entraîner nos sens. Non, on doit soumettre tous nos sens à Dieu. What you believe is fighting your faith. What you know is fighting your faith. What you used to, you know, what you are used to is fighting your faith. You have been used to sicknesses and diseases. And you cannot even believe you are here. Die fünf Sinne bekämpfen deinen Glauben. Du bist gewöhnt an Krankheiten und deswegen kannst du nicht glauben, dass du schon gesund bist. Donc, nos cinq sens combattent notre foi. T'es tellement habitué à être malade, par exemple. T'es habitué à ce monde-ci que tu n'arrives pas à voir croire Dieu, que tu n'arrives pas à croire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. We are to be aware of our five senses. Wir müssen uns bewusst sein von wir müssen uns in Acht nehmen vor unseren fünf Sinnen. Es wird uns von Christus wegbringen sonst. Donc on a faire attention que nos cinq sens nous séparent pas de Jésus-Christ. Hey, to walk with your five senses. Or if you want to walk with them, submit them to Christ. Let them be under the shadow of the Almighty God. Übergebe deine fünf Sinne dem Herrn. Lass zu, dass sie unter dem Schatten des Herrn sind. Donc on doit vraiment soumettre nos cinq sens sous Jésus-Christ. That if you are feeling anything, you are feeling Christ. I'm not feeling the flesh. Are you getting it? Que maintenant que si tu ressens quelque chose, tu dois ressentir Jésus-Christ et pas quelque chose d'autre. They might be saying something else. You know, you are hearing, but you are what you hear is Christ, and not what they are saying. You submit it to Christ. Du hörst vielleicht das gleiche wie sie, was du hörst ist Christus. Amen. Tu peux même entendre les mêmes choses que, mais ce que tu entends, tu le soumets directement sous Jésus-Christ. They might be saying death. Sie sprechen. But you see life. Aber du siehst das Leben. And your neighbor, you know, your co-workers might be seeing death. Just the same that they are saying. But you are not seeing death, you are seeing life. Amen. Auch den Tod, aber du siehst das Leben und sprichst es auch. Tout le monde peut voir la mort autour de toi, mais toi tu vois la vie. Praise the Lord. Alléluia. What we see, what we feel, what we hear, what we smell, what we feel, what we taste, and you know, all these, they are problems. All diese Sinne, das was wir schmecken, hören, riechen, sehen, das ist ein Problem für uns. Donc tout ce que on voit, on entend, on sent. It's a big problem for God's children. Tout ça, c'est un problème pour nous si on ne soumet pas sous Jésus-Christ. How we still see our children still sick after praying for them. Wie wir unsere Kinder sehen, nachdem wir für sie gebetet haben. Dass wir sie immer noch als krank sehen, nachdem wir für sie gebetet haben. Unsere fünf Sinne werden gegen uns kämpfen. Ouais, on peut prier même pour notre enfant qui est malade. Mais après la prière, on va toujours les voir avec nos yeux terrestres. Et ça peut combattre notre foi. That is why it is a fight. Deswegen ist es auch ein Kampf. Et c'est pour ça que c'est un combat. It's a fight. C'est un Kampf. C'est un fight combat. Of good faith. C'est un Kampf des Glaubens. Un combat de la bonne foi. It is really a fight. C'est wirklich ein Kampf. Amen. Amen. Because after prayer, the pain is still there. Then you know it's a fight. Der Schmerz ist immer noch da, dann merkst du, dass es ein Kampf ist. Parce que si tu as mal et tu pries après ça que tu as toujours you mal. Believe. Et c'est là que le combat you commence. Still believe. Wir glauben, denn but the problem can still see clean and clear. Also siehst du das Problem immer noch ganz klar. Tu peux croire, mais tu vois encore le problème clairement, mais tu vas you don't ignore the problem, you speak to the problem. Amen. Du ignorierst das Problem nicht, du sprichst zu dem Problem. Amen. On doit pas ignorer nos problèmes, mais on doit parler à nos problèmes. And the more you say, the more you speak. Und so mehr dieses Problem. Don't be he is not tired of revealing himself to you. You will not be tired of speaking to him. Amen. Wenn das Problem, I don't know if somebody es nicht satt hat, sich vor dir zu zeigen, wirst du es auch nicht satt haben, das Problem an seinen Verlust zu erinnern. Are you getting it? Donc si tu dois vraiment parler à tes problèmes et si ces problèmes continuent à se manifester, tu dois toujours continuer à parler à tes problèmes. Reply the doctor's report. Reply your account. Reply your body. Reply the bills. Reply them. Reply your reply. Jesus replied the fig tree. Du musst diesen Dingen antworten. Du musst diesen Rechnungen antworten. Du musst diesen Problemen antworten. Du musst diesen Schmerzen antworten. Das ist Mark 11, Vers 12-14. Wie Jesus auf diesen Feigenbaum geantwortet hat. Donc on doit répondre à nos problèmes, on doit répondre à nos douleurs, tout comme Jésus avait répondu au figuier. Things are going to speak to you. Denn Dinge werden zu dir sprechen. Parce que les choses vont nous parler. Those problems are speaking to you. Diese Probleme sprechen zu dir. Nos problèmes nous parlent. You speak Christ to them. Du sprichst Christus zu ihnen. Amen. Et on doit répondre so avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If you remember Isaiah 55 verse 17, it's every tongue that comes against you, you condemn. Wenn wir uns an Jesaja 54, wenn wir uns an Jesaja 54 erinnern, wo steht, dass jede Zunge, die sich gegen uns erhebt, sollen wir Lügen strafen. Das ist ein Befehl, Dinge zu verweigern, die sich gegen die Wahrheit von Christus richten. Jesaja. Ja, aber das kriege ich dir so wieder gegeben. Jesaja dit que toute langue qui est contre nous, qui se bat contre nous, on doit le condamner. Bref. What is that? Yeah. What is here? No, sometimes it's too difficult to quote the Bible exactly when you translate it in French. Then that's why I was thinking maybe she could do it. But praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The tongues that speak against you, you condemn it. Die Zunge, die sich gegen dich erhebt, musst du bestrafen. Du bist nicht ruhig. They are not tired of speaking. You will not be tired of speaking today. Sie haben es nicht satt, zu dir zu sprechen. Deswegen darfst du es auch nicht satt haben, zu antworten. Donc, chaque langue qui s'adresse à nous, on doit la condamner. Praise the Lord. Hallelujah. And live like a baby. But Jesus said you are to live. Lebe wie ein Baby. On doit vivre comme un bébé, comme Jésus le fait. How does baby live? Wie leben Babys? They are not worried. Sie machen sich keine Sorgen. They are not worried. Are you getting it? Un bébé ne se soucie pas. Babies speak, but they are not worried. Babies sprechen, aber sie machen. They speak to things. They speak. They are playing with it. They are speaking, but they are not worried. They are not in fear. They are not in panic. Except if they cannot see their mother. That is how you are to live. We close with that place. Amen. Les bébés parlent. Ils se soucient pas, mais ils parlent. Ils parlent aux jouets ou quoi que ce soit. Et la seule chose qui peut vraiment les menacer, c'est l'absence des parents. Amen. C'est praise comme ça the Lord. Avec Jésus-Christ. The Lord did not say don't speak, but he said don't worry. Der hat nicht gesagt, dass wir nicht sprechen sollen, sondern wir sollen uns einfach keine Sorgen Amen. Machen. Dieu n'a pas dit que de ne pas parler, mais il a dit qu'on ne doit pas se soucier. He says, speak life and not death. Wir sollen Leben sprechen und nicht Tod. On a parlé la vie et pas la mort. In Genesis 1, God saw darkness, he spoke light. Und he said, let there be light. In 1. Mose sehen wir das 1, wo Gott die Finsternis sieht, aber das Licht ausspricht. Tout comme Dieu a vu l'obscurité dans Genèse et il a dit que la lumière soit exactement dans le champ. John 6:63, Jesus said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. You speak Christ, that is spirit and life to things. In Johannes 6:63 spirit and life, not spirit and sagt auch Jesus Christus, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Die Worte, die du sprichst, sind Christus und Leben. Donc on doit prêcher la vie, les mots qui sortent de notre bouche doivent être remplis de vie, remplis de Jésus-Christ et pas la mort. You know, when Satan left Jesus, he came back again. Als der Teufel Jesus so verlassen hat, ist er immer wieder zurückgekommen und klopft wieder an. That problem, you might pray over it, is the Satan will still be knocking. Are you getting it? You know, when he was not, you know, when Satan, you know, with the temptation, he was there. The Bible said he left him for a season. Amen. And then that of, you know, when it now come to that of Peter, he now came again. Through Peter. You see it? He was always coming. Okay. Der Teufel klopft immer wieder an und kommt immer wieder zurück. Er taucht auf, klopft an, will rein und du hast wieder die Wahl, ob du ihn zu, reinlässt und durch dich sprechen lässt oder nicht, genauso wie bei Petrus. Donc, le diable va toujours essayer de revenir dans notre vie, il va toujours frapper à nos portes. Et là, on a le choix de l'ouvrir la porte ou pas, tout comme Pierre, par exemple, dans la Bible. Why am I saying this? Because some of us, we are so used to Satan is doing this, Satan is doing that. I'm not used to it. Because my heart is always occupied with him. I hardly fight Satan. I hardly rebuke Satan because I just see him as a dead fool. So if you are the type that is always fighting, you should learn because if you are in the flesh, if Satan is going to fight you. Und ich wiederhole das immer wieder heute, weil viele von uns immer sehr viel dem Teufel sehr viel Macht und sehr viel sehr viel Autorität gibt in unser Leben, indem wir ihm immer wieder für Sachen schuldig machen oder über ihn sprechen. Und ich will einfach, dass wir uns daran erinnern, dass er verloren ist und dass wir auch so ihm gegenübertreten, immer wieder daran erinnern, dass er verloren hat. C'est important de rappeler toujours à Satan qu'il est un perdant et qu'il a déjà perdu. Souvent, c'est nous-mêmes qu'on donne cette force, cette puissance au diable parce qu'on le culpabilise ou on le rend responsable pour les problèmes qu'on a. Or, qu'on doit seulement se concentrer sur Jésus-Christ. The greatest thing that defeats Satan is reminding yourself of who you are. Amen. Das, was den Teufel wirklich immer wieder in die Knie zwingt, ist, dich daran zu erinnern, wer du bist. Ceux qui chassent vraiment le diable, ceux qui ont vraiment... La seule victoire qu'on a vraiment, c'est Jésus-Christ. Et si on se rappelle de Jésus-Christ en nous et qui on est, là, le diable n'a pas de place dans notre vie. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.